الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه اللقاءات وهذا فضل الله وفضل الله يؤتي من يشاء والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى ونسأله المزيد من فضله عز وجل أما الله عز وجل faisons la louange à Allah سبحانه وتعالى qui nous a comblé de ce grand bienfait qui est le fait de se retrouver dans une des maisons d'Allah سبحانه وتعالى. Et ça, c'est un grand bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala comble dans le bien ce qu'il veut, et égare qui il veut, et comble de son bien qui il veut, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses biens. فأحسن ما نجتمع عليه وكلام ربنا لأن الله سبحانه وتعالى وصفه في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. La meilleure des choses sur laquelle on se rend compte, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est écrit ainsi dans le Coran, certes ce Coran guide vers la voie la plus droite, et vers la plus grande droiture. Wa amru al-Qur'an amrun 'azim. Wa li hadha yajib 'ala al-muslim wa 'ala al-'abd. An yakun haddu min al-Qur'an laysa faqat al-qira'a. ليس فقط تلاوة بل يجب أن يكون مع التلاوة علم وفهم وتدبر للمعاني وعمل بما جاء في القرآن إيه فخيرنا الله عز وجل القرآن est énorme c'est quelque chose de très important il doit être ainsi dans la vie du croyant et la place du Coran dans la vie du croyant doit être une grande place pas tout simplement dans la lecture dans le Coran, de le lire tout simplement mais de le comprendre et d'apprendre la science qui est dedans et de le mettre en application ce qu'il y a dans le Coran, les orientations dans le Coran, s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran et ainsi de suite. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فحق التلاوة هو العمل بهذا الكتاب حق التلاوة يمر أولا بحق القراءة وبفهم المعاني وبالعمل بهذا القرآن وهو هذا هو المقصود الأعظم الذي أنزل من أجله القرآن On a Allah Azza wa Jalla, le Coran est écrit ainsi, dans cette parole, dans cette traduction approximative. Ceux à qui nous avons donné le Coran, le livre, ils le récitent de la meilleure des récitations. Ceux-là croient en ce livre. Et ici, la récitation, il se fait de trois façons. De bien le lire, d'une part. Et aussi, de comprendre sa signification. Et de le mettre en application, ici le but de la révélation du Coran. Le but, le summum des buts de la révélation du Coran, c'est la mise en application. فَأَعْضَمْ مَقَاصِدْ هَذَا الْكَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَالْعَمَلُ بِهِ وَإِنْشَاءَ نَقِفُ وَإِيَّاكُمْ عَلَى مَا يَتَيَسَّرَ مِنْ مَعَانِي سُورَةِ الْكَوْثَرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ كُلُّكُمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا أَقْصَرْ سُورَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ثلاث آيات أخي الإسلام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر مع أنها ثلاث آيات وأقصر سورة في كتاب الله سميت الكوثر والكوثر معناه في لغة العرب الخير الكثير الخير الكثير وهذا لكثرة خيراتها وبركاتها. وهكذا شأن القرآن كله، القرآن كله خيرات وكله بركات. فمن شرح الله سبحانه وتعالى لكتابه واستفاد من كتاب الله وفهم معاني كتاب الله عز وجل فلقد أوتي خيرا كثيرا. فمن الله عز وجل nous allons nous arrêter sur ce que nous pouvons dans la signification de sourate Al-Kawthar. Al-Kawthar, c'est la plus courte des sourates dans le Coran. Trois versets, à l'islam, quand tu les as entendus. Trois. Pas plus. Hein? Pourtant, il s'appelle Al-Kawthar. Et Al-Kawthar, ça veut dire le grand bienfait. Hein? Trois versets, il s'appelle Al-Kawthar, qui est, en langue arabe, ça veut dire le grand bienfait. Beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits. Hein? Et cette sourate, malgré qu'il est courte, il contient beaucoup de bienfaits. Il en est ainsi pour tout le Coran. Dans le Coran, il n'y a que du bienfait. Il y a du bienfait que, hein, on n'arrive même pas à savoir tous les bienfaits. Les humains ne savent pas tous les bienfaits qu'il y a dans ce Coran. Hein? Le Coran, c'est beaucoup de bénédictions, beaucoup de guidance, beaucoup d'orientation vers le bien. Beaucoup de bienfaits min Allah Azza wa Jal. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur et la poitrine pour le Coran, il l'a comblé d'un grand bienfait. Il l'a comblé d'un grand bienfait. هذه الصورة صورة الكوثر جاءت تحمل بشارات عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه تحمل بشارات لهذه الأمة وفي الوقت نفسه تحمل بشارات لهذه الأمة. Cette sourate qui est sourate al-Kawthar, dedans cette sourate est révélée pour annoncer beaucoup de bonnes nouvelles à notre messager alayhi salatu wassalam et en même temps beaucoup de bienfaits à cette communauté. لما أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذلك على الفرح على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر رؤية ذلك ورؤية الفرح والسرور والسعادة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand cette sourate est descendue sur le messager عليه الصلاة والسلام, le bonheur, la réjouissance, hein, a été vu sur le visage du messager عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابة لماذا هذا الفرح لماذا هذا السرور والحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه يقول بينما نحن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة أي نام وأغمض عينيه وقتا قليلا ثم رفع رأسه متبسما عليه الصلاة والسلام فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. كنت ست سورة Quand les compagnons ont vu cette réjouissance sur le visage du prophète, ils lui ont posé la question, pour qu'est-ce qu'il fait qu'il a souri. Et Anas, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, alors que nous étions avec le prophète, tout d'un coup le prophète a somnolé un peu ses yeux enfermés, et durant son sommeil, il a souri. Quand il a levé la tête, il a souri. Et les nobles compagnons disent, qu'est-ce qui a fait que tu souris à Rasulallah? Il leur a dit, il m'a été descendu. Et un instant, la sourate Inna a'tainak al-kawthar, il leur a récité. Lamma nazalat hadhihi as-sourate al-mubaraka, qama min ighfa'i alayhi salatu wassalam, mutabassiman, masrouran alayhi salatu wassalam. ورأى الصحابة هذا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا واعلموا بأن هذا الفرح بنزول هذه الصورة هذا الفرح بنزول هذه الصورة Et donc, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a réouvert les yeux en étant en souriant, il a annoncé, quand les compagnons lui ont demandé pourquoi, il leur a annoncé que sa réjouissance vient du fait qu'il a reçu cette sourate. Hein? وهذا الفرح الذي كان منه عليه الصلاة والسلام هو جزء من الفرح الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون هذا الفرح جزء من الفرح المذكور في الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل لهم يا محمد فرحهم يجب أن يكون بفضل الله وبرحمة الله عز وجل ولهذا عندما خرج عمر بن الخطاب يترقب إبل الصدقة خارج المدينة وخرج معه مولاه عندما رأى هذا الغلام الغنم والأبقار الموجودة قال هذا فضل الله فوكزه عمر رضي الله عنه وارضاه فقال له كذبت فضل الله هو القرآن فتلا قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هنا الله عز وجل cette réjouissance qu'avait le messager عليه الصلاة والسلام c'est une petite partie de la réjouissance qui est prouvée dans le Coran. Et dont le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci, dis-leur à Mohammed, c'est avec le bienfait d'Allah et sa clémence, c'est avec ça qu'ils doivent être réjouis, c'est mieux que ce qu'ils amassent. C'est mieux ce qu'ils amassent. Hein? Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, un jour, il est sorti pour inspecter le troupeau de la charité, de la zakat et de la sadaqat. Qui était à l'extérieur de Médine. Il est arrivé avec un jeune garçon qui était à son service. Le jeune garçon, quand il a vu le nombre de troupeaux qu'il y a, de dromadaires, de chèvres, tout ça, il a dit, ça, c'est le grand bienfait d'Allah. Omar ibn Khattab lui a donné un goût. Il lui a dit, tu mens. Le grand bienfait d'Allah, c'est la parole d'Allah, c'est le Coran. Et il a récité ce verset. Hein? وانظر حالنا احنا اليوم نفرح بأمور كثيرة ولعلها تكون تافهة وستذهب هذه الأمور ونذهب نحن كذلك ونترك هذه الأمور ها أين نحن من فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله أين نحن من فرح الفاروق بكلام الله عز وجل ها يا هو قاعد من نتخو سيتياسيون كم بيان دو شوز nous remplissent de joie parmi les choses de ce bas monde et pourtant nous allons partir, nous allons laisser ces choses peut-être gars, nous n'allons pas en profiter hein? Ou là ces choses vont disparaître qui nous ont donné une joie à l'abs de temps ils vont partir, ils vont se casser ou, hein? Ou sommes-nous de la réjouissance qu'avait notre messager alayhi salam avec la parole d'Allah et nous, où sommes-nous de Ah, cette réaction de Omar ibn Khattab ah, et comment il a attiré l'intention de ce jeune comme quoi le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est la parole d'Allah ah, comment la réjouissance doit se faire pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala alayhi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira ah. فأين نحن من التأسي في أمورنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد داخل الإسلام أن نقف مع أنفسنا وننظر أين نحن ها؟ أين نحن من كتاب الله أين نحن من التأسي برسولنا أين نحن من اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليه فهنا الله عز وجل n'est-il pas dit dans le verset et dans cette traduction approximative Vous avez le meilleur des modèles dans le messager d'Allah. Hein? Pour ceux qui croient en Allah et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Hein? Où sommes-nous du fait de prendre notre, hein, de ce modèle que nous devons suivre? Où sommes-nous Ah, du noble compagnon, Ridwallah alayhim, du suivi que nous devons avoir pour le messager et pour ses nobles compagnons, Ridwallah alayhim, dans toutes les situations. Kam naghfalu nahn an as-surur. لماذا نغفل عن السرور بالقرآن؟ هذا يأتي من ضعف الإيمان أخ الإسلام، وعدم إدراكنا لمعاني القرآن، وعدم فهمنا لكلام ربنا. هذا سببه ضعف إيماننا وجهلنا بمعاني القرآن وجهلنا بالمقصود من هذا الكتاب، فهذا الذي يجعل أننا غافلون عن الفرح والسرور بكتاب الله وبكلام الله عز وجل. Où sommes-nous maintenant? Pourquoi nous avons pas cette réjouissance devant la lecture quand on lit le livre d'Allah, qu'on entend le livre d'Allah? Simple, akhal Islam. La faiblesse de notre foi et l'ignorance de la signification de la parole d'Allah. C'est ça qui fait que nous n'avons pas cette réelle réjouissance qui est le fait de se réjouir avec la parole d'Allah. La Bouddha. An yakuna li hada al-Qur'an makanatun fi hayatina. Tadabburan wa amalan bih. Il est obligatoire que ce Coran doit avoir une place dans notre vie. Nous voulons du fait de le méditer et de le mettre en application. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال لهم أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها فقال أتدرون ما الكوثر؟ تعرفون أنتم شنو هو الكوثر؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم الله ورسوله فقط هم الذين يعلمون نحن لا نعلم. Après الرسول صلى الله عليه وسلم on va demander est-ce que vous savez ce que c'est que le Kawthar? Et les compagnons ont répondu il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. فقال عليه الصلاة والسلام إنه نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل. إنه نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واد في الجنة أعطاه لي الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يغانونس كل كوثر سيت ان فلوف وبغادي. الله سبحانه وتعالى لوي دوني إلا دوني سو ميساج عليه الصلاة والسلام. وبين في حديث آخر أن هذا النهر نهر الكوثر يصب في حوضه عليه الصلاة والسلام، وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه مسافة شهر وطوله كذلك وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith il a dit ce kawthar qui est le fleuve verse son eau dans le bassin du messager alayhi salam dont la largeur est la distance de marche d'un mois. Et il en est de même pour la longueur. Et le nombre des vers autour de ce bassin sont au nombre des étoiles dans les ciels. C'est-à-dire, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le nombre. وهذا الحوض كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حوض ترد عليه أمته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ترد عليه أمته يوم القيامة. فالذين أخلصوا العبادة لله واتبعوا في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان لهم الحظ من أن يأخذوا كأسا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربون شربة لا يضمؤون بعدها أبدا لا يضمؤون بعدها أبدا لا يصيبهم الظمأ. وفي ذلك اليوم الناس الشمس على قرب كيلومتر ونصف. ففي الناس من هو في العرق إلى الكعبين، ومنهم من هو إلى السرة، ومنهم من يلجم العرق إلى أنفه. ويداد ناس عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعد ناس عن حوض رسول الله فيراهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أصحابي، فيقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي بدلوا في الدين، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، أي بعدا مني. ها، فمن الله عز وجل السبسان كم إلي دون الحديث التونتيك. Hein? La communauté de Mohammed va venir pour s'abreuver de ce bassin. Et ceux qui ont accompli leurs œuvres sincèrement pour Allah et dans un suivi aveugle du messager salam, vont prendre un verre de la main du prophète salam, ils vont boire une gorgée, après cette gorgée ils auront plus soif. C'est fini. Jour où le soleil il est à peine un peu plus d'un kilomètre et demi des têtes. Ou certains baignent dans leur sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au nombril, d'autres carrément jusqu'au nez. Il arrivera certains membres de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, il y aura une barrière dressée entre eux et le fait de prendre, de boire du bassin du prophète. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra, il dira mes compagnons, et il sera dit au messager alayhi salatu wassalam, non, tu sais pas ce qu'ils ont changé après toi. C'est-à-dire, ils ont changé dans la religion. Et quand il entendra ça, alayhi salatu wassalam, il dit, au loin, loin de moi, il les dit à vous. Hein? هذا معنى الكوثر الذي امتن به الله سبحانه وتعالى على رسوله، فهي بشارة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهي بشارة لمن آمن برسول الله وأخلص الدين لله وكان متبعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ساس الكوثر ce grand bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui a fait réjouir le prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est pas, et c'est aussi une bonne nouvelle pour la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, pour ceux qui accomplissent leurs œuvres sincèrement pour Allah et dans le suivi de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont leur part de cette bonne nouvelle. Hein? والكوثر كما قال أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال الكوثر الخير الكثير. هل فيه تعارض بين تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لا؟ هذا الخير الكثير منه هذا النهر الذي هو الكوثر. ها؟ منه هذا جزء منه وفرض منه، فرض من أفراد الخير الكثير هذا النهر. Et les hommes de science et à leur tête, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu wa arda, il a dit concernant le Kawthar, c'est hein, le bienfait au sens large du terme. Est-ce qu'il y a une contradiction maintenant entre l'interprétation du prophète et celle d'Ibn Abbas? Non. Ibn Abbas, il a donné la signification générale. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un des individus des grands bienfaits qui est ce fleuve qui a été donné à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. إنا أعطيناك الكوثر خيرا كثيرا وفضلا عميما في الدنيا والآخرة، أي الله سبحانه وتعالى أكرم هذا النبي في الدنيا وفي الآخرة بفضائل كثيرة وببركات كثيرة وبخير كثير. إذن في الفرسين تابون دوني الكوثر le grand bienfait. ça veut dire les grands bienfaits dans ce bas monde et dans le delà. Dans ce bas monde et dans le delà. Amma fi dunya, فالله سبحانه وتعالى أكرم هذا النبي بالقرآن وأكرم هذا النبي بالسنة وأكرمه بخير هدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ها، وأكرمه عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين والحفظ، حفظه الله سبحانه وتعالى ونصره على من عاداه ومكن لدينه سبحانه وتعالى، أكرمه الله سبحانه وتعالى بخيرات كثيرة ونعم عظيمة لا حد لها ولا عد لها. ها، Quant aux bienfaits dans ce bas monde, frère, en Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accompli ce message à la sunna déjà avec ce Coran. C'est un énorme bienfait. Puis il l'a accompli avec la sunna. C'est un énorme bienfait. Et la meilleure des guidances, la meilleure des voies étant, il l'a comblé par la meilleure des guidances, la meilleure des voies, qui est la voie et la guidance de Muhammad alayhi salatu wasalam. Ne dit-il pas dans Khutbat al-Jumu'ah, et la meilleure des guidances étant la guidée de Muhammad alayhi salatu wasalam? Hein? Et il l'a comblé, alors qu'il était seul, orphelin, il l'a fait triompher, il l'a préservé, il l'a protégé, il a donné la puissance à sa religion. Hein? Il l'a comblé de grands bienfaits à l'islam qui n'ont, on ne peut même pas comptabiliser les grands bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé Mohammed alayhi salam et cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala akram hadha an-nabi wa ma'ahu ummatuhu bi umurin 'azimatin akh al-islam. Wa aydan fi ad-dar al-akhirah akh al-islam. أكرمه الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا بكرامات عظيمة وفضائل جمة ومنن عظيمة جدا منها هذا النهر العظيم اللي هو الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ها يدون لدلاخ الإسلام الله سبحانه وتعالى كومبلي أونوغي نتخو ميساج عليه الصلاة والسلام avec beaucoup de bienfaits. Il fait partie de ces grands bienfaits, ce fleuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager alayhi salatu wasalam. Akramahu bi shafa'ati al-kubra. Yashfa' lil-ibad fi al-mawqif. Wa akramahu bi umurin 'azima. Il lui a donné alayhi salatu wasalam la grande intercession. Et d'autres choses dans le delà de l'islam. فهذا الخير الكثير يجب أن نتساءل الآن نحن هذا الخير الكثير متى يناله العبد عبد من عباد الله متى يكون هذا الخير لعبد من عباد الله maintenant on doit se poser la question à quel moment compte ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est dû à un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويجب أن نتساءل متى يكون الإنسان أهلا لهذا الخير ومن أهل هذا الخير. Et il faut qu'on se pose la question. Quand est-ce que l'être humain il devient digne de ce grand bienfait, il fait partie des gens de ce grand bienfait. ومتى يحصل الإنسان على هذا الخير الكثير. Et quand est-ce que l'être humain, le serviteur, a ce grand bienfait, il gagne ce grand bienfait. إذن هذا الخير الكثير ليس لكل أحد أخ الإسلام هذا الخير الكثير والفضل العظيم ليس لكل أحد parce que frère en Allah عز وجل ce grand bienfait et ces grandes vertus ne sont pas à tout le monde ne sont pas à tout le monde أخ الإسلام هذا الخير الكثير وهذا الفضل له أهله Ce grand bienfait, il a les gens qui en sont dignes. Les gens qui le méritent et qui en sont dignes. Wa hum madhkuruna fi hadhihi as-surah al-mubarakah. Madhkuruna fi hadhihi as-surah al-mubarakah. Ils sont cités dans cette noble sourate. Awsafuhum madhkura fi hadhihi as-surah. صفاتهم مذكورة في هذه السورة لماذا؟ لكي نكون منهم نأخذ هذه الصفات ونتحلى بها ونقوم بها فنكون معهم Pourquoi leur description est citée dans cette sourate? Pour qu'on mette en application ce que implique ces descriptions pour qu'on soit parmi eux. Dans le Coran, il s'adresse à tout un chacun de nous jusqu'à la fin des temps. Dans le Coran, il يخاطب كل أحد إلى أن تقوم الساعة قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فهذا السياق تضمن أمرين عظيمين وصفتين عظيمتين، ألا وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فصل لربك وانحر، إخلاص. إن شانئك هو الأبتر، متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ها، أي إذا أردت أن تكون من أهل الكوثر ومن أهل هذا الخير الكريم وأن تحظى بشربة من يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تكون من الذين يخلصون عبادتهم لله ويتبعون في ذلك نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. La veut dire que l'islam, si tu veux faire partie de ces gens-là qui vont avoir ce grand bienfait, qui ont cette bonne nouvelle, tu dois avoir ces deux descriptions qui sont dans le verset. Nous t'avons donné le Kautar, prie pour ton souverain, égorge pour ton souverain. Et celui qui est contre toi, qui est en tête devant ta sunna, etc., c'est le coupé. Le coupé de quoi? Des bienfaits d'Allah. Ces deux versets annonce les deux points essentiels pour acquérir ce grand bienfait, qui sont la sincérité dans le fait de prier pour Allah et d'égorger pour Allah, et dans l'autre verset, le dernier, le suivi du messager alayhi salam. فالإخلاص في قولي عز وجل فصل لربك وانحر، أي صل مخلصا لله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاتك وبنحرك. فذكر هنا الصلاة لأنها أعظم العبادات البدنية، وذكر النحر لأنه أعظم العبادات المالية. ها، فتقربك بصلاتك وبذبحك يجب أن يكون لله وحده لا شريك له، لا تريد بذلك السمعة ولا الرياء، ولا أن يقول الناس، ولا تشرك في صلاتك أحدا، ولا تشرك في ذبحك أحدا، ولا في أي عبادة من عبادتك. مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا، قول لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ذبحي وحياتي يجب أن تكون كل ما أفعله أن يكون خالصا لله، ومماتي أن أموت على دين الله مخلصا العبادة لله متبعا في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. دونك premier point, la première caractéristique, il est dans le verset « Et prie pour ton souverain, et gorge pour ton souverain ». Ça, c'est la sincérité à l'islam. Il faut que ces actes d'adoration, comme tous les autres actes d'adoration, doivent être accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il a cité juste la prière et le fait d'égorger, parce que la prière, c'est la plus grande et la plus importante adoration que nous accomplissons avec notre corps. Et le fait d'égorger, c'est l'une des plus grandes adorations que nous accomplissons avec notre argent. Mais sans ça, tous nos actes d'adoration doivent être accomplis sincèrement pour Allah. Il ne doit pas y avoir de don, ni d'associationnisme, ni on associe, quand on prie, associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette prière, on prie pour Allah et pour quelqu'un d'autre, abadan. Ni quand on égorge pour Allah et pour quelqu'un d'autre, abadan. Ni pour que les gens disent, Hada il prie bien, ou Hada il a choisi la meilleure bite là. Il faut que ce soit ni ostentation, ni associationnisme dans nos adorations. Et ceci est conformément à l'autre verset qui dit, dis-leur et à Mohammed, dis, ma prière, ce que j'égorge, ma vie, ma mort sont pour Allah, le souverain du monde. Il n'a aucun associé. C'est-à-dire, ta prière, ce que tu égorges, ta vie doit être accomplie dans ce que tu fais doit être fait sincèrement pour Allah dans le suivi de Mohammed. Ta mort, tu dois mourir en étant musulman, en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, en étant quelqu'un qui accomplit les œuvres sincèrement pour Allah dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. والأمر الثاني المتابعة مستفاد من قوله إن شانئك هو الأبتر والشانئ هو المعاند أي هذا الذي يعاندك يا محمد هو الأبتر أبتر مقطوع من رحمة الله محروم من رحمة الله محروم من كل خير في الدنيا وفي الآخرة محروم من كل فضيلة في الدنيا وفي الآخرة هذا الذي يعاندك يا محمد ومعاند لسنتك ومخالف لسنتك ها وهذا فيه التنبيه على متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن كل معاند للمصطفى عليه الصلاة والسلام وكل مبغض للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولدين المصطفى عليه الصلاة والسلام ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا خير فيه وأمره إلى الاضمحلال وشأنه إلى الانبطار الانقطاع فهو منقطع لا خير فيه لا خير يحصله في الدنيا ولا في الآخرة أبدا أخ الإسلام وليكن من كان ربك قال إن شانئك هو الأبطر ها المعاند لك ولدينك ولسنتك المخالف لمنهجك يا رسول الله مقطوع من الخير في الدنيا وفي الآخرة فهنا الله عز وجل le deuxième point il est donc essentiel pour que on soit parmi ces gens qui vont avoir le bonheur de boire de la main du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que inna shani'aka wal abtar, ici celui qui s'entête, qui ne veut pas te suivre ya Muhammad et qui a la haine contre ta religion, qui a la haine contre toi, qui a la haine contre ta sunna, hada il est abtar, ça veut dire il est coupé de tout bien. Le bien de ce bas monde, il est privé de tout bien dans ce bas monde et dans le delà. Celui qui est en divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, en divergence avec la guidance du messager alayhi salatu wassalam, en divergence avec sa voix, il est coupé de tout le bien. Aucun bien, ni dans ce bas monde, ni dans le delà. Et cette situation, il va vers la destruction à l'islam, et vers la bassesse. Hein? Qu'il soit ce qu'il est. Sa fin, c'est le rabaissement et le déshonneur. Hein? Donc, pour faire partie de ceux qui vont être comblés de profiter de cette bonne nouvelle donnée à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de boire de cette eau qui coule, du kawtar qui coule dans le bassin, il faut que nos œuvres soient accomplies sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Voilà, la situation elle est énorme, akhi. On est dans la maison de l'examen pour vous y prouver qui va faire la bonne œuvre. الأمر عظيم لا تظن الأمر سهل نحن في دار الامتحان دار الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلا بد للإنسان أن يتنبه فهو ذود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يختلجون عن حوض رسول الله أي يدفعون عن حوض رسول الله ولن يكون لهم أن يشربوا تلك الشربة التي لا يضمأوا بعدها أبدا لماذا؟ لأنهم لم يحققوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا situation est énorme à l'islam il ne faut pas se mentir à soi-même quand tu sais que la barrière se dressera devant des personnes qui veulent qui croyaient arriver et boire de la main du prophète pour ne plus avoir soif le jour de la résurrection Et pourquoi cette barrière se dressera? Parce qu'ils n'étaient pas dans le suivi du messager, parce qu'ils ont innové dans sa religion, parce qu'ils étaient en divergence avec la voix du messager, alayhissalam. Donc il ne faut pas vendre le meilleur pour le vil, al-islam. La tabi' al-khayr bima huwa adna minhu. فعمرك كم؟ 40 سنة، 60 سنة، 70 سنة، قول 100 سنة وتأتي النهاية. لكن الحياة الدائمة والأبدية بعد الحساب، بعد الحساب. فالنعمة لتلك الدائمة والأبدية أخ الإسلام، وللنعيم الأبدي. فهنا الله عز وجل يكون سلوغ با كم بيان نزالون فيفر 60 ans, 70 ans, 40 ans, mettons 100 ans. La mort, il est là. Hein? Donc ça veut dire que ce bas monde, il est éphémère. Si ce bas monde devait durer, il aurait duré à Suleyman. Suleyman, il avait un royaume qui... Personne ne peut voir avoir le même royaume que, qu'il a vu Suleyman. Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min li ahadin ba'di. Hein? Suleyman a fait un dua, oh Allah, donne-moi un royaume qui ne sied plus à quelqu'un d'autre d'avoir le même royaume que moi. Et pourtant, Suleyman est mort. Et nous allons mourir. Tous. Sans exception. Personne n'échappera. Et c'est les comptes. Est-ce que quelqu'un qui sait qu'il va mourir et qu'il va y avoir la résurrection, les comptes vont le meilleur pour le plus bas? Abadan. Ah ben, je dois faire de ce bas un pont pour passer dans le meilleur et utiliser ce bas, ces 60 ans, ces 40 ans de cette dunya pour gagner l'éternel. Un mahadi, il est éphémère. Peu importe comment tu la passes. Mais le grand gain, c'est d'arriver au bonheur éternel. D'arriver au bonheur éternel qui va plus terminer. Hein? Fal'aqil. والفائز هو الذي هذه الدنيا الفانية يستعملها لكي للآخرة الدائمة التي النعيم فيها إلى الأبد أبدي. والخاسر كل الخسران الذي باع الآخرة بالدنيا. Et donc le plus grand dégain et le plus grand gagnant, c'est celui qui a utilisé ce bas monde éphémère pour avoir l'éternité du bonheur dans l'au-delà. Et le grand qui a fait la grande faillite, c'est celui qui a vendu le delà pour ce bas monde. Hein? فلا بد داخل الإسلام. فأنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحوض ذكر أن الناس سيحجزون عن الحوض. ما الذي حجزهم عن الحوض؟ فكر لماذا حجز هؤلاء عن الحوض؟ عرفهم رسول الله فقال أصحابي فقيل له ها وحجبوا عنه فقال أصحابي فقال لا تدري بدلوا بعدك وغيروا بعدك وأحدثوا بعدك فقال سحقا سحقا بعدا بعدا ها donc les hadiths du messager عليه الصلاة والسلام nous devons les prendre en considération, prendre la leçon et agir comme il se doit. Regardez ces personnes qui n'arriveront pas à boire de la main du prophète, le prophète il les a reconnus, il a dit c'est mes compagnons. La barrière s'est dressée. Non. Ils ont changé après toi. Ils ont changé la religion. Ils ont innové dans la religion. Hein? Donc, il faut faire très attention. Quand je fais un acte, je dois savoir comment. Comment doit, cet acte doit être fait. Comment le messager il l'a fait. Pour l'accomplir dans le suivi. Et aussi se poser la question, pour qui je fais cet acte? Pour accomplir cet acte sincèrement pour Allah. هذا إنما أريد أن أعمل عمل فيجب أن أعرف لمن أعمل هذا العمل حتى يكون خالصا لله فأخلصه لله وكذلك كيف يجب أن أعمل هذا العمل كيف عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون متبعا في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي يحدث في دين الله ويعمل الأعمال كما جاءت على القناة ديالو وعلى الهوى ديالو ها ويترك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ها؟ هذا في الحرمان إلا حرمان هذا سيحرم خير الدنيا والآخرة mais quand est celui qui innove dans la religion d'Allah et qui fait la religion avec ses passions, avec sa raison comme lui il veut hein? d'une innovation à une autre, d'une nouveauté dans la religion à une autre, il va régresser, il sera privé du bien dans ce bas monde et dans le delà. Hein? إذن هذه البشارة العظيمة التي في سورة الكوثر ها لمن هذه البشارة التي تحمل هذه السورة إنما هي للذين حققوا الإخلاص والمتابعة لا ينالها إلا عباد الله الذين أخلصوا الدين لله واتبعوا في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام فلا نكذب على أنفسنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر من الله عز وجل donc cette bonne nouvelle qui est dans cette sourate il est pour ceux qui accomplissent les œuvres sincèrement pour Allah et dont le suivi des prophètes qu'on se leurre pas hein, et qu'on se ment pas à nous-mêmes Fasse prix pour ton souverain, immole pour ton souverain. Et tout ceci dans le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Hada fihi mada, fi hadi sura saghira tanbihun ala ikhlas al-ibadati lillah wa al-ittiba' lil-mustafa alayhi salatu wassalam. هذا القرآن أنزل ليعمل به ليفهم ويتدبر كما قال ربنا عز وجل أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها فالقرآن ما جاش هذا جا باش تفهم وتعمل به فهو يخاطبنا كلنا مخاطبين بهذا القرآن ها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ها فلا بد داخل الإسلام لا بد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم دلائل في القرآن كثيرة جدا ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله فلا بد لك أن تطيع رسول الله لكي تكون في طاعة الله فما يمكن أن يكون الإنسان مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أطيع الله أبدا ها؟ لأن الذي يعصي الرسول فقط يعصي الله معصية الرسول هي معصية الله سبحانه وتعالى على حد سواء ها؟ فقال الله عز وجل donc nous devons nous occuper fortement et très solidement à ces deux principes fondamentaux qui font l'acceptation des œuvres, qui est la sincérité et le suivi. Regarde ces petites sourates, vers quoi ils nous orientent, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah et d'être dans le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. On ne peut pas faire autrement, alayhi salam. Si on veut hein, avoir l'agrément de Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde et dans le delà, il faut s'occuper et savoir accomplir les œuvres sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Hein, dans le verset, il leur a été ordonné d'accomplir la prière et la zakat et la religion sincèrement pour Allah. Hein? L'autre verset, dis-leur ya Muhammad, c'est le verset de l'épreuve. Dis-leur ya Muhammad, si vous aimez Allah, suivez-moi Allah, il vous aimera. Suivez qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Hein? Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait sur même par lui-même, par ton souverain, hein? Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante. Quand Allah et son messager ont décrété quelque chose, qu'ils aient le choix dans leur situation. Pas de choix, à l'islam. Ce qui est décrété min Allah et décrété de son messager, à l'islam, t'as pas le choix. On n'a pas le choix. Abadan. Abadan. Dans l'autre verset, où vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Pied d'égalité à l'islam. Car l'obéissance d'Allah passe par l'obéissance du messager. On ne peut pas être désobéissant au messager. Et c'est le fait d'être désobéissant au messager, on est désobéissant à Allah. Hein? Direct. L'obéissance à Allah passe par le suivi et l'obéissance du messager, alayhi salam. Obligé à l'islam. Ce n'est pas du domaine du surrogatoire. Il a dit, mais c'est minal omor mustahabba. Abedan. Il a dit, mais l'wajibat à l'islam. إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ها؟ كم مرة تذكرها فيجب أن تحققها تحقيقها الإخلاص إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ من الله عز وجل لا c'est pas du domaine du surrogatoire c'est de l'obligation. Et c'est pour accomplir ton attestation de foi, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Comment tu vas l'accomplir? Tu l'accomplis en réservant le culte exclusivement à Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. فيجب علينا أن نبتعد عن البدع وعن المحدثات في الدين أخ الإسلام وأن نحرص على لزوم السنة واقتفاء أثر رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم وأن نتعلم ذلك نتعلم كل شيء في الدنيا كيف لا نتعلم أمور ديننا كيف لا نتعلم الإخلاص كيف لا نتعلم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ها من الله عز وجل nous devons tenir à accomplir les œuvres sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager عليه الصلاة والسلام et nous devons apprendre comment être ainsi. Et nous devons nous éloigner de toute forme d'innovation, de toute forme de nouveauté dans la religion. On apprend tout, mais on n'apprend pas comment se cramponner à la voix de notre messager, alayhi salatu wassalam, et à la voix de ses nobles compagnons. Hein? Là, abadan akhal islam. Nous devons tenir, et nous devons apprendre comment. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qal sallu kama ra'aytumuni usalli. فلا بد أن نتعلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم. لا بد أن نتعلم ما هي مناسك. كيف كانت مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضأ مثل وضوء هذا. لا بد أن نتعلم وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بخيكم فما بخيه. il a dit celui qui fait le dos comme je l'ai fait. Prenez de moi vos rites de pèlerinage. Donc il est obligatoire pour moi et pour tout un chacun de nous d'apprendre comment il a prié le messager alayhi salam, d'apprendre comment il a fait le dos, comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a accompli les rites de pèlerinage pour être dans le suivi du messager alayhi salam. فالبشارة العظيمة التي هي في هذه السورة إن أعطيناك الكوثر فهي لأهل الإخلاص والمتابعة فكلما أردت أن تقوم بعمل فتذكر هذه البشارة وتذكر حوض رسول الله فاخلص عبادتك لله واتبع في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc cette bonne nouvelle qui est dans sourate al-Kawthar doit être quelque chose qui nous motive. Donc chaque fois que nous voulons faire une œuvre, hein, il faut quoi? Il faut qu'on réfléchisse. Hein? Il faut qu'on réfléchisse à accomplir cette œuvre sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et pensez aussi au bassin que ceux qui accomplissent les œuvres sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam auront cette grande joie, ce grand privilège de prendre un verre de la main du prophète alayhi salatu wassalam et de pouvoir boire une gorgée d'eau après laquelle ils auront plus soif. Hein? لابد لابد ودين الله سبحانه وتعالى قائم على هذين الأصلين الإخلاص والمتابعة دين الله كله قائم على هذين الأصلين العظيمين الإخلاص والمتابعة يساشفر الله عز وجل كل أقول جون الله سبحانه وتعالى يتأكمبلي سور دو سي دو كونديسيون برانسيبال سي دو فوندمون برانسيبو كي سون لا سانسيريتي لو سويفي. Quand tu seras de vous, عندما تقف بين يدي الله, ماذا كنتم تعبدون, ماذا أجبتم المرسلين, ماذا كنتم تعبدون. سؤال عن الإخلاص, هل أخلصت العبادة لله, ماذا أجبتم المرسلين, هل اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد دخل الإسلام, لابد سنسأل هذين السؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ أن الله عز وجل يكونتون سخدفون الله تتا ساكن لفو دو ريبوندر سي دو كيستيون. كيس كو فوز ادوري؟ كيس كو فوز افيغ ريزيرفي لو كولت اكسيفون الله سانسيريتي. Qu'est-ce que vous avez répondu au messager? Est-ce que vous avez suivi le messager alayhi salatu wassalam ou pas? Donc le suivi. D'où l'importance de s'occuper et d'accomplir nos œuvres dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Hein? Et dans la sincérité à l'islam. La bouddha mine. Fahada laysa bil amr al-hayyin. والأدلة في القرآن كثيرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ها ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه دار اختبار دار امتحان هل سنحسن فيها أم لا نحسن والعمل الحسن كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله وما كان خالصا لله صوابا أي على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلا لم يكن عملا خالصا ولا ها إذا لم يكن فيه إخلاص لن يقبل وإذا لم تكن فيه متابعة وكان فيه إخلاص لم يقبل فلا بد من الإخلاص والمتابعة لا بد من الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى فهذا الأمر ترتكز عليه يرتكز عليه نجاحنا في الآخرة نجاحنا في الآخرة وطمأنينتنا في هذه الدنيا هي منوطة بهذا الأمر العظيم ألا وهو إخلاص العبادة لله واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام خيرون الله عز وجل ces deux fondements qui sont la sincérité et le suivi sont très importants on est dans la maison de l'épreuve pour vous éprouver qui va faire la bonne œuvre Fadhil ibn Iyad dit l'œuvre qui est dans le mille c'est-à-dire dans le mille qui est dans le suivi du messager عليه الصلاة والسلام et accompli sincèrement pour Allah Hein? Et notre bonheur et notre quiétude dans ce bas monde et dans le-delà est suspendu à ça, tourne autour de ça, autour de la sincérité et du suivi. La quiétude dans ce bas monde, les honneurs dans ce bas monde, plus l'éternité des délices dans le-delà, dépendent de ça, Khalil Islam. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les œuvres qui ont été accomplis dans le suivi et dans la sincérité à l'islam. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut faire très attention à ce que nous faisons. Il faut être éveillé. Et le musulman doit être éveillé. Il doit savoir comment, pour qui il fait l'œuvre et comment il doit faire cette œuvre. Wal muslimu yajibu an yakuna fatinan yaqidan. يعرف لمن يعمل عمله وعلى أي طريقة يعمل هذا العمل لابد فهذه بشارة عظيمة في سورة الكوثر ها لكن من سنحظى بها من أهلها حقا المخلصون والمتبعون Donc cette bonne nouvelle qu'il y a dans la sourate, il est véridique cette nouvelle. Cette promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce grand bienfait dans la sourate, ils sont véridiques. Mais qui va les avoir? Dans la sourate, il est dit. Les sincères, ceux qui ont accompli les œuvres sincèrement pour Allah, et ceux qui sont dans un suivi aveugle du messager, alayhi salatu wassalam. Hein? فلنحذر أمام الاتباع ماذا أمامنا أمام الإخلاص ماذا أمامك أمامك الشرك والرياء يجب أن تحذر من الشرك وأن تحذر من الرياء كيف أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله ولو بتتنوب تقول سيد النبي ولا الوالدين كيف أنت تقول الله أكبر وإلى مشيتي في الصف للصالح ديال الدوار ها أنا سيدي باع باللي الوعدة ديالتك كيف في الإخلاص كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في الموطأ ديال الإمام مالك أمرنا نحن الأنبياء معشر الأنبياء أن نجعل اليمنى على اليسرى في الصلاة أمرنا. من أمره؟ من أمر الأنبياء؟ الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: أمرنا نحن معشر الأنبياء أن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأنت تقول لي أنا نسد لي أن أنا مالكي. مالك يخالفك، إمام مالك يخالفك، وأنت تخالف إمام المالكية، إمام مالك رحمه الله. كيف؟ كيف؟ أين؟ أين؟ أين نحن من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ القضية راها مغشوشة، فيها شي حاجة، لا بد داخل الإسلام. فهنا الله عز وجل دونك فو باس لوغي كومو Je dis, j'atteste qu'il n'y a pas d'être adoré à Allah, et je dis, je rentre dans la prière, Allahu Akbar, quand je me trouve dans un bled ou dans une montagne, je vais égorger au nom du saint patron du village, soi-disant. Bismka, Sidi Filan, c'est ce que je t'ai promis à Sidi Filan, Hadil ou Adad Yelk, etc. Comment aussi, je rentre dans la prière, Allahu Akbar, et mes mains sont lâchées. Qu'est-ce que tu fais? Je suis Maliki. Comment ça, tu es Maliki? Qu'est-ce que ça veut dire être maliki? Moi je vais te dire ce que ça veut dire être maliki. Tu veux être maliki? Prends le muwatta de l'imam Malik, ramène-le, tu verras. L'imam Malik rapporte le hadith, il dit, il nous a été ordonné. Il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a été ordonné, nous autres, les prophètes alayhi wa sallam, de mettre la main droite sur la gauche dans la prière. Et Allah, pourquoi tu es en divergence avec l'imam Malik? Il va, il a les si longues à l'islam. Hein? فلا بد devant la sincérité il y a l'associationnisme et l'ostentation, donc il faut faire attention à ça. Devant la sunna et le suivi il y a l'innovation, il faut faire très attention à ça. فأمام الإخلاص كاين الشرك والرياء والسمعة وأمام السنة كاين الاتباع كاين البدعة كاين البدعة وكل بدعة ضلالة ما فيه بدعة حسنة أبدا. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد قال بأن محمدا خان الرسالة. هذه شهادة الإمام مالك اللي قال هذه بدعة حسنة في الدين. تقول لي الإمام مالك هذا تيشهد على رسول وتيشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وش الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؟ كلنا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ تمام البلاغ وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. يا ولا لا؟ كلنا نشهد بذلك. فانظر حكم الإمام مالك في من يقول أن هناك بدعة حسنة. ها؟ لا شك، لا إخوة الإسلام، هذا دين الله ودين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو كما قال الإمام مالك: ما لم يكن ذلك اليوم دينا، أي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فلن يكون اليوم دينا أبدا أبدا. ما نكذبوش على نفسنا ونتجرؤوا على الدين ديال الله، نديروا فيه داكشي اللي ما امر به الله سبحانه وتعالى وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فخيرنا الله عز وجل دوفون لا سانسيغيتي يا لوستونتاسيون يا لاسوسياسيونيزم اي دوفون لا سنة اي لو سيفي يا كوا يا لينوفاسيون اي لي بير دي شوز سون لي انوفاسيون اي لي انوفاسيون توت لي انوفاسيون سي ان ايغارمون. اي الامام مالك regarde cette parole quand il dit celui qui innove une innovation dans la religion, il dit que ça c'est une bonne innovation, il dit que celui-là est en train de dire que Mohammed a trahi le message, alors que tous après l'islam nous attestons que Mohammed a transmis de la meilleure des transmissions et qu'il a été digne du dépôt qui lui a été donné, confié, et qu'il a combattu en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de sa vie. Donc, regarde nos imams ce qu'ils disent après l'islam. Regarde nos imams ce qu'ils disent. Les grands imams comme l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i ont conseillé la communauté à se cramponner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ها فإمتنا رحمة الله عليهم وعلى رأسهم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي ومن تبعهم على ضرب السنة كلهم يوصون الأمة بأن تخلص العبادة لله وأن تتبع في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول الأئمة رحمة الله عليهم إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلام عرض الحائط. وهذه كلها كل الأئمة قالوها رحمهم الله تعالى. إذا خالف كلامي ورأيي سنة أو حديث رسول الله فاضربوا به عرض الحائط، لأنهم ناصحين لأنفسهم ولله ولرسوله ولأمة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولعامة المسلمين. Et des paroles de nos pieux prédécesseurs, Wallah al-Mi. Alors peut-être ces grands imams, qui sont l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, etc., sont tous sur le fait d'orienter la communauté vers le fait de mettre en application le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et leurs paroles ont résumé dit ceci: quand ma parole ou mon opinion est en divergence avec un hadith ou une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, plaquez ma parole contre le mur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dignes du conseil pour Allah, pour le livre d'Allah et pour le messager d'Allah et pour les imams de cette communauté et le gouverneur de cette communauté et pour le commun des musulmans. Et ils étaient dignes du conseil pour eux-mêmes aussi, akh al-islam. فلهذا akh al-islam يجب أن نتعلم أن نخلص ديننا لله وأن نكون متبعين في ذلك للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فغدا سنلقى الله سبحانه وتعالى. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ إخلاص ومتابعة أخ الإسلام. Pour ça, frère, on Allah عز وجل, nous devons apprendre accomplir nos œuvres dans la sincérité et dans le suivi du messager. Non, demain, on va se retrouver devant Allah. Qu'est-ce que vous adoriez? Et qu'est-ce que vous avez répondu au messager? Face Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, Bismail Husna, wa sifati al-Ula, an yurzuqna wa iyaakum al-ikhlasa fil qawli wal amal. جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خير.